chou pour tout à mourir. Tendez, dans la vie, yon monde doit toujours faire bien pour yon parler de vous. Si Claude dit pas un bon garçon, yon pas jamais parler de lui. Comme ça, on met tes belles, on met tes lèvres, quand même on vient pour mourir.